Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. M'ap montre ou bagay sa yo, fò fè sa m'dou fè ya. M'ap montre ou bagay sa yo, fò fè sa m'dou fè ya. Prenez. Prends. Prends. Donnez-moi les lunettes. Bay madame nan lunette la. Bay madame nan lunette la. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Mettez crayon sous enveloppe là. Mettez crayon sous enveloppe là. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Tournez verre, prends ciseaux. Tournez verre, prends ciseaux.